Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Francis Combes, poète de la planète et éditeur, qui, dans le cadre du Printemps des poètes en Vexin, donnera une conférence sur la poésie de la résistance le dimanche 29 mars prochain à 11h au château de Théméricourt. Venez nombreux. Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM et ce soir, nous avons la chance d'avoir, non pas en studio, nous sommes allés enregistrer à Paris cette interview avec notre ami Francis Combes, d'abord poète, ensuite éditeur. Il a notamment été le fondateur des éditions du Temps des Cerises et il est aussi le fondateur d'une association d'éditeurs indépendants, L'Autre Livre, qui existe toujours aujourd'hui et qui regroupe plus d'une centaine d'éditeurs à ma connaissance. Bonsoir Francis. Bonsoir Philippe, tout ça me paraît exact. Ah, tant mieux. J'ai aussi traîné mes guêtres dans le département du Val d'Oise un certain temps. Eh oui, on peut d'ailleurs commencer par là peut-être. Ah, eh ben vas-y, dis-nous comment tu es arrivé à être conseiller général du Val d'Oise. J'ai été en effet conseiller général du Val d'Oise, j'étais élu à Sannois-Saint-Gratien, la durée d'un mandat. Puis après, les électeurs, bien que j'ai fait, je crois, le travail que je devais faire, ne m'ont pas réélu. Ils n'ont pas commis une deuxième fois la même erreur. Bon, on peut te demander sous quelle étiquette tu étais. Oui, bien sûr, j'étais un conseiller général communiste et j'ai été l'un des responsables de la commission culture du département du Val-d'Oise. Voilà. Eh ben, je pense que c'était une très bonne chose. C'était une expérience utile pour moi, mais bon. C'est une chose ancienne. Donc ça te caractérise un peu, je crois, parce que tu as eu des responsabilités au sein du Parti communiste, toi. Très jeune. Oui, j'ai toujours été militant. J'ai toujours mené de pair mes activités poétiques et un engagement politique qui date de l'époque où j'étais lycéen. J'étais lycéen en 68, responsable du comité d'action de mon lycée. Et puis, quand j'étais étudiant, j'ai été secrétaire national des étudiants communistes, qui à l'époque était une grande organisation, la plus grande organisation d'étudiants, politique d'étudiants, à l'époque du programme commun. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir une activité politique, ça m'a ouvert l'horizon, tout simplement. Hein. Donc, ça m'a conduit à m'intéresser non seulement à moi, mais à nous et au monde. Et chemin faisant, j'ai effectivement découvert de nombreux grands poètes. Il se trouve qu'au XXe siècle, je n'y peux rien, et je prie les auditeurs que cela défriserait de m'en excuser, mais le XXe siècle, comme disait le philosophe Alain Badiou, est le siècle des poètes communistes. En France, Aragon, Éluard, pour ne citer qu'eux, mais on pourrait ajouter bien d'autres, hein, Zahara et d'autres. Mais à l'étranger, Pablo Neruda, le grand poète chilien, Vladimir Mayakovsky, Bertolt Brecht, Yanis Ritsos en Grèce, Mahmoud Darwish en Palestine. Enfin bon, je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais il s'est trouvé que le XXe siècle, qui a été marqué par de grandes espérances liées aux révolutions sociales, et aussi de grandes désillusions liées à l'échec de ces expériences, l'échec de l'Union soviétique notamment, a été un siècle où il y a eu une rencontre entre le rêve des poètes et le rêve social, le rêve d'émancipation humaine. Ils étaient d'ailleurs locomotives, souvent. Oui, ils ont joué un rôle actif. Ouais. Mais parce que la poésie, ça n'est pas simplement, je crois, un art des mots, c'est pas simplement une façon d'enfiler les mots comme des perles sur un collier. Il y a cet aspect dans la poésie, parce que s'il n'y avait pas ce travail de bijouterie, de joaillerie, il n'y aurait pas de poésie. Mais tout grand poème, toute grande poésie est portée par un souffle, par une aspiration humaine, par une espérance, une colère ou une espérance. Et donc, ce n'est pas un hasard s'il y a de grands poètes chrétiens, de grands poètes communistes. Les périodes où on ne croit plus en rien, où on n'a plus de foi en l'humanité, sont des périodes qui sont moins propices à la poésie. Hein. Est-ce que, je reviens à des choses très terre-à-terre, la question que je me suis posée en lisant un peu ta biographie, c'est de quoi vivait notre ami Francis Combes Sûrement pas de la poésie, puisqu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui rémunère. Quelles ont été tes expériences avant de faire avant de créer la maison d'édition. Après avoir quitté mon village de Lozère, je suis monté dans la région parisienne avec mes parents. Nous avons vécu à Aubervilliers, j'ai fait mes études secondaires à Aubervilliers, puis après... En fac, j'ai fait Sciences Po, j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, et en même temps, je faisais langues orientales. J'ai appris le russe, le chinois et le hongrois. Voilà, et bon, j'ai toujours été passionné par les langues. Je les massacre toutes, mais je les bredouille souvent, et j'aime quand le je suis... contact avec la langue. Oui, quand je, suis, quand je suis dans un pays, au bout de 10 jours, je commence à bredouiller avec les gens. Bon, j'ai un instinct babélique, en quelque sorte. C'est un plaisir aussi. C'est un plaisir, bien sûr. Écouter et pratiquer la langue. Ouais. Bien sûr. Et puis la seule chose, c'est de ne pas avoir peur de se jeter à l'eau. C'est comme pour apprendre à nager. Hein. Il ne faut pas être retenu par la crainte de faire des fautes. Donc je faisais Sciences Po et Langues O. Et il se trouve que j'ai été pendant 5 ans... un permanent politique, puisque j'étais secrétaire général d'une association, d'une organisation qui comptait plus de 10 000 adhérents à l'époque. Donc j'ai eu une période où j'étais un permanent politique des organisations de jeunesse. Et ensuite, je suis devenu éditeur en 81. J'ai commencé par travailler à la revue Europe. C'est le vieil écrivain Pierre Gamara, qui était à la fois un romancier, un poète et un auteur pour la jeunesse, tout à fait connu et respecté, un type absolument admirable, qui dirigeait la revue Europe. C'est une revue qui avait été fondée en 1923 par Romain Rolland, qui a joué un rôle important en plusieurs circonstances et qui continue d'ailleurs vaillamment son bonhomme de chemin. Une revue qui est à la fois une encyclopédie littéraire et puis une revue qui avait une forte empreinte, disons, pacifiste. Par exemple, tu avais quel rôle dans cette revue ? J'étais secrétaire général de la revue. Okay. Donc j'ai commencé comme ça, puis après je me suis de fil en aiguille trouvé être directeur littéraire de la maison d'édition qui publiait la revue, qui était les éditions Messidor. Ouais. J'ai assumé pendant 10 ans, et c'est là que j'ai appris à devenir éditeur. En fait, je n'avais jamais envisagé, je n'avais jamais prémédité de devenir éditeur. Je voulais écrire des poèmes, je voulais faire des choses, me battre, défendre des idées, mais je n'avais pas l'intention de devenir éditeur. C'est la vie, qui a fait que je suis devenu éditeur. Donc, à Messidor, j'ai publié beaucoup d'auteurs très passionnants, comme le romancier brésilien Jorge Amado, par exemple, qui est devenu un ami intime, qui est devenu même le parrain de mon plus jeune fils. J'ai publié Umberto Eco, qui venait dans mon bureau et avec qui on discutait. J'ai publié un très beau livre de lui, qui s'appelle Pastiche et Postiche. J'ai publié Peter Hanke, j'ai publié grand écrivain russe d'origine kirghize, Tchingiz Aitmatov, l'auteur de Jamilia, qui est un des grands écrivains de l'époque soviétique. Enfin, plein d'auteurs. Hein. Tout ça chez... C'était à l'époque de Messidor. C'est Messidor. Messidor s'est cassé la figure en 1992, après une période de chômage, qui n'a pas été pour moi inactif, parce que, avec la complicité d'un autre poète, mon ami Gérard Cartier, pendant cette période où j'étais au chômage, nous avons lancé l'idée des poèmes dans le métro. On s'était retrouvés à la terrasse d'un bistrot parisien, place d'Italie. Lui, il était ingénieur du tunnel sous la Manche. Il revenait de Londres. Il avait vu que les poètes anglais affichaient des poèmes dans le métro de Londres. Et pourquoi pas à Paris ? Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, il n'y a pas de raison que les Français soient plus rétifs à la poésie que les Anglais. Donc, bras dessus, bras dessous, la fleur au fusil, si je puis dire. On a été voir la direction de la RATP, qui nous a écoutés un peu étonnés, un peu surpris. Puis, ils ont dû se dire, oh, mais voilà une idée qui ne coûte pas cher et qui peut donner du métro une image finalement différente, humaine. Ils nous avaient donné leur accord pour que ça dure 3 mois. On s'en occupait pendant 15 ans, parce que ça a été plébiscité par les usagers du métro. On affichait tous les mois des poèmes, à la fois des poèmes classiques et des poèmes modernes, des poèmes étrangers, des poèmes français. Et ça, dans bonnes conditions d'affichage, je me souviens très bien. C'était la RATP qui prenait en charge, mais on s'occupait de la sélection. Et puis, de temps en temps, on interrompait cet affichage de poètes connus, reconnus, ou inconnus des gens, mais qui étaient poètes quand même, pour faire une sorte de concours ouvert aux poèmes des amateurs. L'expérience a été passionnante, parce que à chaque fois, elle a été... La même, en l'espace d'une semaine à peu près, nous recevions quelques 10 000 poèmes. Et déjà, il fallait les lire. Voilà, ce qui veut dire déjà que dans cette société qui est réputée peu ouverte à la poésie, où la poésie n'a pas de place dans les médias, par exemple, hein, et peu de place dans les librairies, pour dire la vérité, hein, très peu de place, hein, eh bien, il y a des milliers et des milliers de gens qui, dans le secret de leur cuisine ou de leur chambre à coucher, écrivent des poèmes. Alors, en règle générale, pour être franc, très mauvais. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme la poésie est aussi un art, c'est comme la musique. Oui. Tout le monde peut chanter sous sa douche et tout le monde a le droit de chanter sous sa douche. Et c'est très bien. Bon, c'est pas pour autant qu'on connaît le solfège ou qu'on est capable d'interpréter ou même de composer un morceau de musique contemporaine. Mais ceci étant, c'est une excellente chose. Et dans la masse des poèmes que nous recevions, il y en avait quelques-uns qui étaient remarquables, toujours. Donc, on avait mis au point un jury qui mêlait des poètes et puis des employés de la RATP. Super. Ça donnait lieu à de fortes discussions, de grandes discussions. Donc, j'ai fait ça. 15 ans. Ouais, mais bon, parallèlement, j'avais recréé une maison d'édition qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Le Temps des Cerises, que j'ai dirigée pour une vingtaine d'années. C'est une maison qui faisait à la fois de la poésie, beaucoup de poésie, c'était un tiers de notre activité, mais aussi du roman. Aussi des essais. Alors ça allait de la réédition du Capital d'un certain Karl Marx à des livres de philosophie contemporaine ou à des poètes contemporains, des poètes étrangers souvent, des poètes américains par exemple. On avait publié beaucoup de poètes américains. Ouais. Beaucoup de traductions. Beaucoup de traductions. Oui, parce que j'ai toujours été en fait passionné non seulement par les langues, mais je dois dire que c'est souvent le contact des poésies étrangères qui m'ont le plus enrichi, qui m'ont ouvert l'horizon. Parce que quand on sort de nos frontières, on découvre d'autres traditions poétiques, d'autres voix et d'autres conceptions de la poésie. Mmh. C'est stimulant. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été vraiment transformé dans mon modeste parcours poétique par Thiago de Mello, avec Chant de l'amour armé. Oui, alors moi, dans mon parcours personnel, tu sais, quand j'étais adolescent, dans la bibliothèque de mon oncle, j'avais piqué trois livres qui m'ont profondément marqué, un certain François Villon. Bien sûr. Il reste une de mes figures tutélaires. Guillaume Apollinaire, dont je reste toujours inconditionnel. Il a toute la musique de la langue française dans l'oreille. Mmh. Et puis Vladimir Mayakovsky, qui est le grand poète russe du XXe siècle, qui a révolutionné, c'était le poète de la Révolution d'Octobre, mais c'est aussi un poète qui a révolutionné la poésie russe. Et je crois que tu as traduit. Et j'ai traduit Mayakovsky aussi. Et même la poésie moderne américaine, par exemple la poésie, la Beat Generation, elle ne serait pas ce qu'elle a été sans Mayakovsky. Mais est-ce qu'il y a d'ailleurs des frontières pour la poésie? Non, à part la langue qui doit se traduire à un moment donné. Mais... Oui, bien sûr. Et alors, c'est un peu un pont aux ânes, une banalité que répètent des gens en disant la poésie n'est pas traduisible. Alors, j'allais poser la question indirectement. Non, je devance les questions. Parce qu'évidemment, tout le monde la pose. Voilà. C'est vrai et faux à la fois. C'est pas faux dans la mesure où il y a dans chaque poème une part lié à la musique du langage, de chaque langue propre. Et ça, c'est difficile de le rendre dans une autre langue. Mais, comme dit un grand poète chinois du XXe siècle, Haitsing, le père de l'artiste Wei Wei, d'ailleurs, qui est célèbre, Haitsing est un des grands poètes de la période révolutionnaire de la Chine. Et Haitsing dit, un grand poème, même mal traduit, la poésie doit passer. Ce qui est totalement à rebours des idées françaises. Mais il veut dire par là que la poésie n'est pas qu'un art du langage. Il doit y avoir dans un grand poème un sens humain, simplement une idée, une émotion, une sensation qui, elle, doit être universelle. Mmh. Et c'est vrai, parce que tu lis des poètes chinois de la dynastie Tang, par exemple, ou des haïkus japonais écrits au XVIIIe siècle. Ça vient d'une autre culture, d'une autre langue, d'autres références. Et tu les lis, mais tu as l'impression de rencontrer des êtres humains qui te sont terriblement proches. J'étais très marqué par beaucoup de poètes étrangers, les poètes chinois. C'est une des raisons pour lesquelles je m'étais lancé dans des études de chinois. Ouais. Mais aussi Mayakovsky, que j'ai déjà cité, les poètes américains de la Beat Generation, Ginsberg et Ferlinghetti, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois aux États-Unis. Et c'était étonnant parce que t'as un poète, il avait déjà 101 ans ou 100 ans. Et moi, je le lisais quand j'avais 14 ans. Et quand on s'est retrouvés, on a passé une soirée ensemble à boire des verres de vin, à parler poésie et politique. C'était comme si on s'était toujours connus, alors qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est la fraternité des poètes, ça. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM. Nous sommes dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. Je porte en moi un arc-en-ciel en basket, avec son baluchon et son verre en tête. Toujours en partance pour l'autre bout du monde, toujours en balade sur la boule ronde. Mon arc-en-ciel, où donc es-tu? Donc où es-tu encore? Chevauchant un nuage, je porte en moi un arc-en-ciel en basket. Printanier est gai et n'en fait qu'à sa tête. Il s'efface toujours, toujours il revient. Il avait disparu, le voici soudain. Mon arc-en-ciel, où t'en vas-tu? Où t'en vas-tu? Une guitare sur l'épaule. Je porte en moi un arc-en-ciel en basket. Il tient tête au grain, aux orages, aux tempêtes. C'est l'arc-en-ciel insolent de la jeunesse qui apparaît toujours entre deux averses. Mon arc-en-ciel, nous oublies-tu? Nous oublies-tu à traîner dans les hautes sphères? Je porte en moi un arc-en-ciel en basket, à grandes enjambées, coiffé d'une casquette. Il se fiche des bombes, des tombes, des cercueils. Miracle, le voici qui me fait de l'œil. Mon arc-en-ciel, nous souris-tu? Nous souris-tu? As-tu entrevu l'embellie? Je porte en moi un arc-en-ciel en basket. Soleil intermittent qui me fait la fête. C'est l'arc-en-ciel éphémère de la jeunesse. S'il s'échappe et fuit, que toujours il renaisse. Mon arc-en-ciel, reviendras-tu? Reviendras-tu poser un pied sur notre terre? Voilà, retour dans le studio. Nous sommes ce soir avec Francis Combe, d'abord poète et ensuite éditeur. On a déjà découvert toute une partie de son parcours. Et alors, au temps des cerises, ce serait trop long de parler de ce que nous avons fait pendant 20 ans. Juste dire qu'on a à la fois publié des livres politiques. Par exemple, nous avions publié un livre noir du capitalisme qui a été traduit dans de très nombreuses langues, qui a été un vrai succès. Sans les moyens, évidemment, commerciaux et publicitaires qu'avait eu le livre noir du communisme. Mais dans le même temps, on a publié aussi des auteurs contemporains, des romanciers, des poètes, des essayistes. Et bon, je souhaite que cette maison d'édition continue son chemin. Alors, il se trouve que après avoir quitté, je n'ai pas pu arrêter complètement mon activité d'éditeur, parce que quand... C'est un virus, un peu, quand même. C'est un virus, oui. Moi qui ne me destinais pas à l'édition. En fait, je crois qu'un éditeur, j'en avais donné une fois une définition, c'est quelqu'un, quand il entre dans une librairie, qui voit les livres qui manquent. C'est une bonne définition. Parce que... à ceci près, comme tu le disais tout à l'heure, que malheureusement, dans les librairies, souvent, la répartition entre, j'ai envie de dire, les grands éditeurs et les éditeurs indépendants, elle n'est pas juste, quoi. Oui, oui. Les places ne sont pas données. C'est sûr. C'est-à-dire un peu pour ça que nous avions, beaucoup pour ça que nous avions créé en 2023 l'association L'Autre Livre, voilà. Qui regroupe un peu plus d'une centaine d'éditeurs indépendants pour défendre les intérêts matériels et moraux, comme on dit, des éditeurs indépendants, et puis tout simplement défendre la liberté, le pluralisme, la diversité de l'édition. Ouais. Et j'ai été le fondateur et le président pendant longtemps de cette association. Et l'association existe toujours. Et l'association fait toujours un super boulot pour les éditeurs. Et elle organise deux salons par an. Voilà, à Paris. Le prochain, ça doit être au printemps. Le week-end de Pâques. Du 2 au 5 avril. Toi, tu as les dates en tête. À l'espace des Blumenthal à Paris. Voilà. Il faut y aller. Voilà. Je dis ça à nos auditeurs. Et bon, il se trouve que pendant que je dirigeais Le Temps des Cerises, j'avais créé une association avec un homme qui était mon grand ami à l'époque, qui était le musicien chilien Sergio Ortega, qui avait dû quitter le Chili au moment du coup d'État de Pinochet. Sergio Ortega était à la fois un musicien de musique, disons, savante, d'opéra, de musique instrumentale. Il avait beaucoup travaillé avec le poète Pablo Neruda. C'est lui qui a composé, avec Pablo Neruda, le seul opéra qui a écrit Pablo Neruda, qui s'appelle « Vie et mort » de Joaquín Murrieta. Puis, c'est aussi un auteur célèbre, sorte chants révolutionnaires en Amérique latine, chants qui sont toujours chantés, par exemple El Pueblo Unido, c'est lui, Venceremos. Mm-hmm. Voilà. Et on a été très liés, et nous avions créé une association qui s'appelle le Merle Moqueur, qui avait pour objet de réunir des poètes et des musiciens, parce que nous trouvions que, alors que la poésie devrait naturellement rencontrer la musique et vice-versa, il y a aujourd'hui une tendance à vivre, à faire chambre à part. Hein. Or, les poètes ont besoin des ailes de la chanson, ils ont besoin des ailes de la musique pour toucher un autre public, et puis en même temps, ça les porte plus loin et plus haut, pas simplement en termes de notoriété, mais aussi en exigence. Hein. La musique est un art extraordinaire, et les musiciens ont des exigences particulières, et moi j'ai beaucoup appris à leur contact. Et donc on avait créé cette association avec Sergio. Après, il est mort malheureusement d'un cancer foudroyant. Et quand j'ai quitté le temps des cerises, j'ai décidé de réactiver cette association qui fait de l'édition, qui publie des recueils de poèmes, mais qui a aussi d'autres activités, qui ne fait pas que de l'édition. Par exemple, le week-end dernier, nous avons enregistré avec un chœur d'une vingtaine de chanteurs un hymne du peuple monde. Voilà, pour réagir à la xénophobie ambiante. Hein. Ouais, très bien. Voilà. On a composé un hymne du peuple monde pour dire que les gens d'ici viennent des quatre coins du monde et que, quelles que soient nos origines, nous avons entre les mains la destinée de ce monde, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et en tout cas, il y a une dimension évidemment utopique, parce que ce peuple monde, il n'existe qu'à l'état virtuel actuellement. Hein. L'humanité a rarement été aussi divisée qu'aujourd'hui, et en même temps, jamais aussi connecté qu'aujourd'hui. En t'écoutant, j'ai l'impression de retrouver quelque part un homme politique, mais dans le bon sens du terme. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout d'un coup envie de te poser la question, et la philosophie ? Moi, je suis nourri de philosophie, évidemment. Et je pense que les poètes ont besoin de la philosophie. Il arrive que les philosophes s'inspirent des poètes, que ça... Mais... La poésie et la philosophie relèvent quand même de deux pratiques intellectuelles différentes. Le but du poème n'est pas la connaissance. Il est de donner une forme aux idées et aux sentiments, non seulement du poète, mais aussi au ressenti du peuple, des gens. Voilà, des gens. Neruda, par exemple, disait que le rôle d'un grand poète, c'était de savoir rassembler les essences de son peuple pour les rendre, les restituer. Je crois que c'est ça le rôle du poète. Le poète a un travail de mise en forme des sentiments et des idées individuelles et collectives. Parce qu'il a une ultra-sensibilité et qu'il capte. Et puis parce que son domaine, c'est celui du langage, qui est un domaine crucial, vital, parce que c'est par le langage que nous sommes humains. Et c'est ça qui fait que déjà on devient un homme ou une femme en grandissant, c'est quand même en acquérant le langage, mais ensuite c'est par le langage qu'on... Et donc on voit bien d'ailleurs que dans les périodes où le langage des armes remplace l'arme de la parole, on recule en humanité. Hein. C'est il faut redonner son pouvoir au langage pour retrouver un seuil d'humanité. Donc le rôle de cette association, c'est de faciliter la rencontre entre les poètes et les musiciens pour des projets parfois utopiques. Par exemple, on s'est beaucoup engagé contre la guerre ces derniers temps. D'abord la guerre en Ukraine, ensuite le massacre à Gaza, qui est épouvantable. Alors notre association, le Merle Moqueur, qui est en même temps une maison d'édition, donc une petite maison d'édition, fait partie d'un réseau international qui s'appelle Poètes de la planète, ou Poets of the Planet, as you like it. C'est une sorte d'international des poètes, qui a deux objectifs. D'une part, favoriser les échanges, les contacts entre poètes. Il y a plus de 150 poètes de 50 pays qui sont présents dans ce réseau. Mmh. Et donc, on se connaît, on se contacte, on fait des lectures ensemble, des lectures par Zoom ou des rencontres physiques. On se traduit les uns les autres. Donc, il y a vraiment un travail actif d'échanges poétiques. Et puis, il y a en même temps la volonté de prendre des initiatives. Par exemple, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait évidemment parmi ces poètes des opinions très différentes et voire complètement opposées quant aux responsabilités de la guerre, entre le rôle des Russes, le rôle des Ukrainiens, etc., ou de l'OTAN, de l'Europe, etc. Et j'avais dit, mais écoutez, quels que soient nos points de vue politiques sur les causes de la guerre, bon, on est poète, on dispose pas d'armée, on ne peut pas influer sur le cours de la guerre, mais on doit pouvoir se entendre sur le fait qu'on est pour qu'arrête la boucherie, quoi, hein, parce qu'il y a déjà, je crois, près d'un million de morts, c'est de part et d'autre. Donc on avait lancé l'idée d'une chaîne mondiale de poèmes pour la paix, à laquelle ont fini par participer plus de 300 poètes, y compris des Russes, y compris des Ukrainiens, des Palestiniens, des Israéliens, des Américains, des Chinois, même des Français. Hein. Et on a publié un gros livre, une grosse anthologie qui s'appelle « Halte au feu ». Voilà. Très joli titre. Voilà. Ouais, bien sûr. J'avais lancé, en fait, l'idée m'était venue parce que j'avais, au moment du déclenchement de cette guerre, écrit un tout petit poème qui a fait comme un feu de paille, il a été traduit dans des tas de langues. Alors ce petit poème disait, je crois que ça s'appelait Halte au feu tout simplement, il disait « Messieurs, rangez votre artillerie, nous ne voulons pas savoir qui est la plus grosse. Ici, sur cette terre, il y a des enfants. » Et donc, j'avais écrit ce petit poème, il avait été repris, traduit dans des tas de langues. Et donc, je me suis dit, mais on devrait faire cette espèce de chaîne mondiale. Et on a fait cette chaîne mondiale de poèmes. Alors, ça n'a pas changé le cours de la guerre. Les poèmes n'ont pas la capacité d'arrêter les missiles ou les balles, mais ils peuvent contribuer à faire grandir un courant d'opinion en faveur de la paix, un courant culturel en faveur de la vie. Le grand sociologue et philosophe Edgar Morin, qui doit avoir quelque chose comme 104 ans aujourd'hui, dit aujourd'hui il faut prendre le parti d'Eros contre Thanatos. Ben, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est la question de fond. Face aux pulsions de mort qui sont à l'œuvre dans le capitalisme, dans l'humanité, dans l'hubris du pouvoir qui s'empare d'un certain nombre d'hommes, et dans le fascisme qui réapparaît, néo-fascisme, qui fait que certains dirigeants foulent aux pieds le droit international et le droit national. Et le fascisme, les droits de l'homme. Et le droit de l'homme. Et le fascisme, c'est toujours ça. Hein, c'est toujours. Finalement, c'est, le fascisme n'existait pas à son époque, mais c'est La Fontaine dans la fable du loup et de l'agneau qui définit très bien ce qu'est le fascisme. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Hein, voilà, c'est exactement ce à quoi nous assistons. Et donc, face à ça, je crois qu'on a le devoir de témoigner, de ne pas rester silencieux et de prendre le parti d'Eros, de l'amour, contre Thanatos, la mort, parce que c'est toujours ça au fond. Paul Éluard, en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, faisant une conférence à Londres sur le surréalisme, avait eu cette formule, avait dit « La poésie véritable est incluse dans tout ce qui rejette le visage innommable de la mort. » Et je crois que c'est profondément vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand lui et d'autres, comme Aragon, comme le poète catholique Pierre-Emmanuel, comme Francis Ponge, comme Eugène Guilvic, Jean Tardieu, ont participé ensuite à ce qu'on a appelé la poésie de la résistance, ils n'ont pas trahi la nature même de la poésie. Puisque la nature même de la poésie, c'est de faire l'éloge de la vie. Finalement, quand on lit les poètes, qu'il s'agisse des poètes persans anciens comme Omar Khayyam, des poètes arabes comme Abu Nawas, ou des grands poètes chinois de l'Antiquité, de la dynastie Tang comme Li Taipo par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Finalement, si on prend un peu de recul, ils disent toujours une seule chose. La vie est brève, elle est précieuse, il faut la vivre à fond, il faut aimer. Il faut en jouir, et elle est précieuse. Voilà. Eh ben, ce serait pour être une très belle conclusion pour notre interview. Si on veut retrouver Francis Combes, si on veut retrouver le Merle Moqueur, il suffit de taper ton nom sur un moteur de recherche et on trouve plein de choses. J'ai un blog qui s'intitule Poésie d'utilité publique. Quant au livre des éditions Le Merle Moqueur, selon la formule consacrée, je dirais qu'ils sont trouvables dans les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. C'est un peu plus compliqué que ça. En vérité, nous sommes distribués par un distributeur que connaissent tous les libraires, qui s'appelle Pollen. Oui. Et donc, n'importe quel libraire peut commander nos livres. Merci à toi, Francis. Bonsoir. Merci à toi, Philippe. Merci à Francis Combes d'avoir accepté notre invitation. Ajoutons une petite précision, à savoir que pour la pause musicale de l'interview de Francis, vous avez pu entendre une des chansons composées par Jean-Philippe Winter sur les nombreux poèmes de Francis, justement. Mais voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Brière-sur-Oise et de Valangoujard, et toutes les bonnes choses ont une fin. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 70e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Coproduite avec l'association Envolez-moi Édition. Remerciements à Olivier Campos pour la composition musicale du générique de l'émission.